Salut les rôlistes, sachez que vous pourrez retrouver le podcast de cette session vidéo sur Spotify, PodCloud et Google Podcast, et ça une semaine après sa sortie. Voilà, des bisous. What will we do with the drunken sailor? What will we do with the drunken sailor? What will we do with the drunken sailor early in the morning? Way hey, and up she rises. Way hey, and up she rises. Way hey, and up she rises early in the morning. Shave his belly with a rusty razor. Shave his belly with a rusty razor. Shave his belly with a rusty razor early in the morning. Way hey, and up she rises. Way hey, and up she rises. Way hey. Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une séance de découverte d'un jeu de rôle made in France issu de l'imaginaire du très sympathique Arnaud Cuidet. Il s'agit de Metal Adventures. Donc le jeu est paru il y a plus de 10 ans chez Matago, il a vu une réédition augmentée en 2020 cette fois chez Open Sesame Games qui relance la gamme avec notamment la sortie récente d'une mini-campagne intitulée Mutant Apocalypse, le tout pour notre plus grand plaisir. Donc pour la fluidité de cette initiation, nous prendrons pas mal de liberté concernant le système de jeu. Le but aujourd'hui n'étant pas d'en décortiquer ou expérimenter les multiples facettes, simplement de s'amuser, de découvrir plusieurs ambiances et possibilités offertes par ce riche univers. Si vous le voulez bien, je vais vous présenter de manière générale, et je l'espère claire, les éléments essentiels pour vous situer et identifier les principales parties prenantes de la galaxie. Donc Metal Adventures, c'est un space opéra épique d'action et d'aventure exotique. Alors que la majorité de l'humanité vit sous le joug de nations stellaires, vous allez incarner de courageux et intrépides pirates de l'espace, seuls individus encore réellement libres dans la galaxie. Ce que l'on sait de l'histoire de la galaxie, donc c'est qu'il fut un temps, les humains étaient regroupés sous une même bannière, et grâce à la technologie, ils purent quitter leur planète d'origine et explorer la galaxie. Ils rencontrèrent des peuples aliens, et sans trop savoir qui ni comment, même si on en a une idée, les choses ont dégénéré, et les humains, ce qu'on sait, ils ont mis fin à la guerre. Donc inutile de vous préciser qu'une guerre galactique, ça laisse des traces dans le cosmos, système planétaire détruit, trous noirs créés, etc., etc. Et en plus, forcément, des mélanges génétiques et la naissance d'une méta-humanité. De mutants qui représentent, au temps du jeu, près de 10% de la population. Donc les mutants, ils sont toujours reconnaissables, de par leur look qui ne laisse strictement aucun doute, à notamment leur trait génétique, et ils disposent de capacités mutantes pour certains utiles, comme de la télékinésie ou une super résistance, pour d'autres plus situationnels, comme par exemple d'énormes yeux globuleux qui offrent une vision à 360, ou la capacité d'enflammer un objet touché. Donc à la lumière de l'esprit de la solidarité de l'espèce humaine que l'on connaît, les mutants sont largement ostracisés et traités comme des rebuts, subissant toutes sortes de brimades et les pires conditions dans la majorité des nations stellaires. Bref, donc la guerre galactique a laissé l'humanité dans un état si déplorable qu'elle connaît après un effondrement, dû à la fois à l'éloignement des différentes colonies et à l'incapacité à se relever des dégâts subis. On sait que nombre de technologies furent perdues, laissant d'innombrables systèmes revenir à l'âge de métal, pendant à peu près 10 000 ans. Puis certaines peuplades, certains systèmes ont réussi à redévelopper de la technologie de manière assez avancée pour repartir dans l'espace et ainsi on a vu émerger les nations stellaires d'aujourd'hui. Donc les vaisseaux ne se posent plus au sol mais ils amérissent sur les eaux, un peu comme les vaisseaux d'Albator ou Coyop. Ils volent entre les planètes ou entre les systèmes grâce à de l'hyperespace, une sorte de tunnel ultra rapide et ultra dangereux, un peu comme ce qu'on peut voir dans Star Wars ou tout un tas d'autres éléments de science-fiction. Et ils ne disposent pas de capacité de voyage suffisante pour traverser toute la galaxie. Donc ils peuvent faire que des bonds, des sauts, plus ou moins importants en fonction de la capacité du vaisseau. Mais forcément, ça a imposé rapidement des communications et des échanges. Donc les contacts rétablis entre les différentes colonies, ça a amené à l'émergence d'une langue commune. Ensuite aussi une monnaie commune qui s'appelle le crédit. Et bien évidemment des éléments géographiques galactiques partagés. Donc on va parler en années-lumière, en clics, en parsecs, en unités spatiales. Et ainsi qu'une technologie toujours émergente, hein, puisqu'il n'est toujours pas possible de communiquer entre les systèmes ni les planètes. Il n'y a pas de super internet assez puissant pour ça, donc on utilise des messagers. Et le voyage spatial est quelque chose de très dangereux, C'est beaucoup beaucoup de périls. La vie dans les nations stellaires, elle est peu heureuse, et chacun cherche plus ou moins à survivre, plus qu'à vivre, sans compter les conflits d'érudits, hein, avec les connaissances qui sont un peu partagées pour savoir qui savait mieux que qui et qui avait raison sur l'origine de la chose. Donc vous vivez le dernier millénaire, c'est en tout cas le nom que les érudits de la galaxie ont donné à la présente époque, persuadés que l'humanité est sur le point de s'autodétruire. Car si durant de longs millénaires les nations stellaires n'ont fait qu'étendre leurs frontières, il arrive un moment, bien évidemment, où elles se rencontrent et s'opposent à la fois territorialement comme idéologiquement de manière bien plus frontale. On a des civilisations radicalement différentes qui s'affrontent, un vieil empire féodal qui combat une dictature militaire, mais la technologie la plus futuriste qui va côtoyer des duels au sabre et des pouvoirs mutants. C'est une époque violente, sauvage, dans laquelle la loi du plus fort prévaut. Donc on y retrouve quatre nations stellaires, donc l'Empire de Sol, l'Omnicartel Galactique, aussi appelé OCG, l'Empire Galactique et enfin la Ligue des Planètes Libres. Et en plus, on va trouver des millions, des milliards de planètes sans foi ni loi, qu'on va nommer collectivement Barren, c'est une espèce de paradis pour les brigands, les pirates et toutes les personnes qui sont poursuivies par les nations stellaires. Pour en revenir aux nations stellaires, on a donc l'Empire de Sol, qui est la plus ancienne des nations, c'est une monarchie stellaire qui se revendique comme héritier de l'union humaine du deuxième millénaire, hein, tout comme le fait que sa planète mère, Sol Prime, serait la planète d'origine de l'humanité. Donc ça fait à peu près 30 000 ans que c'est la famille impériale qui est au pouvoir. Donc c'est une nation aussi raffinée culturellement que décadente, empêtrée dans de nombreux jeux de cour entre familles nobles pour s'accaparer toujours plus de pouvoir. 90% de la population est constituée de serfs, donc c'est une façon plutôt romantique d'appeler des esclaves. Hein. C'est évidemment la filiation et le sang qui dictent le destin de chacun, duc, comtesse, prince, chevalier ou serf. Et cette nation est en guerre avec l'Empire Galactique. Leur affrontement inquiète pas mal au regard de la colossale puissance déployée pour se massacrer. Il y a des dizaines et des dizaines de systèmes entiers qui constituent une énorme ligne de front où il y a des ogives subsoniques qui pètent dans tous les sens. Donc en résumé, l'Empire de Sol, c'est un peu les rois de l'espace. Hein. Faut se faire cette idée vraiment monarchique féodale. Ensuite, on retrouve donc l'OCG, l'Omnicartel Galactique. Donc c'est une société commerciale galactique, une grande confédération commerciale, donc au positionnement neutre, ce qui lui permet d'avoir une place de choix comme intermédiaire, mais aussi partenaire commercial. L'OCG gère le crédit et dispose donc de stations relais un peu partout dans la galaxie pour permettre un voyage spatial plus serein, puisqu'il va être possible de s'y ravitailler, et surtout ces stations, elles vont faire office de petites Suisses, en mode neutre un peu, donc même lorsqu'elles se trouvent aux frontières d'autres nations, c'est des zones de diplomatie un peu privilégiées. Donc on est là pour l'OCG sur une sorte d'aristocratie économique, où le pire qui puisse arriver, c'est souvent de se faire virer de sa méga-corpo. Donc les individus sont de véritables variables et des statistiques sur des tableaux de profit, et c'est un peu l'hégémonie du vide de la pensée, avec des loisirs débilitants, les Marseillais du futur sur X planète, etc. Des sports complètement idiots, tout ça pour maintenir un petit peu des populations dociles et craintives par rapport à leur situation un peu précaire où ils peuvent se faire virer d'un instant à l'autre. Donc en résumé, c'est de l'ultra-capitalisme, ultra, donc dans les sociétés dystopiques qu'on peut voir dans tout un tas d'autres jeux. Ensuite, en troisièmement, on va avoir l'Empire Galactique, donc une dictature militaire qui est dirigée par un triumvirat. Donc ils se veulent les défenseurs de l'humanité. Donc à ce titre, ils ont entrepris une grande campagne d'expansion de tous les systèmes frontaliers, et un système aussi, une campagne de purge vis-à-vis des xénos, vis-à-vis de tous ces mutants, sans autre forme de procès que le massacre. Et l'Empire Galactique écrase bien évidemment, par une extrême violence, tous leurs opposants, grâce à leur supériorité militaire, autant tactique que technologique dans le domaine. Donc en résumé, ça ressemble beaucoup à l'Empire de Star Wars, donc avec tout un tas de Stormtroopers aux épaulettes rouges avec le logo de l'Empire Galactique, qui font usage de violence dès qu'ils le peuvent. La Ligue des Planètes Libres, quatrième nation. Donc c'est une fédération de planètes démocratiques, beaucoup plus récente que les trois autres. Donc elle a la particularité, elle, d'accueillir les mutants et de les considérer comme égaux. Donc c'est une nation qui est extrêmement développée technologiquement, ce qui favorise bien évidemment la jalousie des autres nations. Elle est dirigée par un sénat, elle tente vaillamment de ne pas trop se faire menaçante pour pas être la cible d'une guerre. Et s'il y fait bon vivre, la Ligue, cependant, elle ne dispose pas du tout d'une puissance militaire qui lui permettrait de survivre à un conflit armé de grande envergure. Donc en bref, en résumé, il faut s'imaginer quelque chose qui ressemble un petit peu à un look un peu Star Trek, avec des combinaisons moulantes en latex, des dômes de verre et un peuple qui vit de manière plutôt agréable. Beaucoup de technologies, hein, des technologies beaucoup plus avancées que partout ailleurs, cependant, mais pas de puissance militaire assez imposante. Donc en plus des quatre nations, on va retrouver deux forces avec lesquelles composer, donc les Barents, dont je parlais précédemment. Donc c'est toutes les zones sans gouvernement stellaire, donc tous les systèmes hors frontières, tout comme les planètes non visitées dans une frontière, parce que comme vous en doutez, hein, les frontières des nations sont complètement gigantesques, hein. Donc il y a des milliards de planètes à l'intérieur, et toutes n'ont pas été complètement assujetties ou visitées au sein d'un empire. Donc on va regrouper tout ça sous le terme de Barents. Donc hors frontières, on va y trouver beaucoup de pillards, qui se regroupent souvent sous la bannière de seigneurs de guerre, et qui vivent en ravageant les planètes et en soumettant les populations à l'esclavage. Traite des êtres pour le travail, le sexe, le jeu, la torture, tout ce que vous voulez. Très joyeux. Donc depuis un moment, il y a un seigneur de guerre qui rassemble une énorme horde, donc qui s'appelle le Grand Khan. Donc c'est un personnage assez mystérieux, on ne sait rien de lui, si ce n'est qu'il est excessivement dangereux et qu'il sème la terreur dans les Barents et aux frontières des nations. Donc pour vous donner une idée, il faut imaginer des barbares, des pierres un peu tordues, d'inspiration, plutôt qu'elle ne survivant, et Mad Max, avec parfois des façons de faire un peu au 1. Ils brûlent un petit peu tout, ils mettent du sel sur les planètes en partant. Et la dernière force qui va nous intéresser, ce sont bien évidemment les pirates. Donc ce sont des êtres qui, poussés par une soif d'aventure, un ras-le-bol de leurs conditions, une révolte face aux injustices, ont décidé de tout plaquer pour vivre en dehors du système imposé par les nations stellaires. Donc ils incarnent forcément la liberté, et leur existence est de fait insupportable pour les grands dirigeants de la galaxie. Les pirates sont liés par une culture commune, le sens de la fête, code des pirates et une certaine forme de panache. Ils se regroupent en confrérie, il y a les quatre plus puissantes qui contrôlent donc un havre de paix qui est connu de tous, mais dont les coordonnées sont tenues secrètes, la fameuse planète Havana. Donc on reconnaît les pirates à leur fameux tricorne, aux vêtements bariolés qu'ils vont porter, dans tous les cas ils savent se faire remarquer, ainsi qu'à leur vaisseau, au fameux drapeau noir à tête de mort. Donc la plus célèbre des pirates c'est Stella Belle, elle est connue dans toute la galaxie, et la vie de pirate est dangereuse et tout sauf monotone. Donc ils vivent en abordant, en pillant, en troquant, en libérant des populations, en affrontant des pillards, en narguant les nations stellaires et évidemment en partant à la chasse au trésor. Donc c'est parce qu'ils inspirent les populations à plus de liberté qu'ils sont une menace pour les grandes nations. Et en arrivant à se battre et à gagner face à elles, bah, ils ne font que prouver que c'est possible. Donc dans l'imagerie, il faut se faire l'idée un peu de Pirates des Caraïbes dans l'espace, puisqu'il y a vraiment tout ce côté très panache, très aventure romantique, avec ses lettres de noblesse et sa définition plus littéraire. Donc voilà pour l'univers. Un point rapide sur le système de jeu. Donc Metal Adventure, ça se joue avec des D6, donc les résultats de 4, 5, 6, ça signifie un succès. On va jeter un nombre de dés équivalent à l'addition du score d'une caractéristique et d'une compétence. Donc en général, ça varie entre 3 et 9 dés, ça peut aller à plus ou moins. Le MJ, il va donner une difficulté, donc cette difficulté, elle correspond au nombre de succès à obtenir en lançant ses dés pour réussir l'action, sans encombre. Donc comme c'est un jeu épique, les protagonistes, ils ont des ensembles de statistiques supérieurs à la majorité des gens de la galaxie. Donc en moyenne, on va se retrouver avec 5-6 dés à jeter, sinon les lambda, ils ont 2-3 dés. Donc en plus de sa brouette de dés, donc, il est possible pour une joueuse, un joueur, donc, d'ajouter des D6 depuis une poule de 50 dés spéciaux. Donc cette poule, elle se répartit entre les PJ et le MJ. Au départ, c'est les PJ qui ont les 50 dés à leur disposition. On appelle cette poule le Metal Factor. Et en fait, ils peuvent en utiliser pour se faciliter certaines actions. Du moment que c'est une action dite violente, qu'on peut faire avec de la violence, puisque les humains sont violents. Donc les dés utilisés avec violence depuis cette poule, les joueurs vont les additionner à leur jet initial. Et ces dés spéciaux, en fait, une fois qu'ils ont été utilisés, réussis ou échoués, ils partent, hop, chez le MJ. Et donc ça crée un nouveau pool de dés pour le MJ. Donc comme ça, il y a un échange qui va se faire. Les dés utilisés donc pour le MJ, de son côté, il peut les dépenser, donc il va les rendre au PJ, pour déclencher des aléas. Ça va être faire venir des ennemis, créer une situation dangereuse, mettre des bâtons dans les roues, voilà, créer en fait des éléments de narration intéressants, pour faire des rebondissements. Donc quand le MJ les utilise, donc ça peut être tout simplement à la fois par pack, bah tiens, je vous rends 5 ou 10 dés pour provoquer cet événement-là, ou ça va être aussi pour des ennemis un peu plus... des antagonistes, voilà, des ennemis plus importants, qui eux vont avoir des capacités aussi qu'ils peuvent utiliser à l'aide de ces dés de Metal Factor. Donc pour la suite, il y a de nombreux points de règles très précis pour chaque séquence. On va pas les énumérer maintenant. Il faut juste savoir que les combats sont généralement rapides et expéditifs. L'univers, hein, vous l'avez compris, il se souhaite épique, exotique, sombre et violent. Et maintenant, en route pour l'aventure et la belle vie. Donc ça fait 4 ans ou plus en fonction de vos personnages que vous êtes membre de la piraterie. Donc vous avez généralement connu un seul équipage, donc celui du capitaine Bartholomiège. Si vous vous rappelez plus à quoi il ressemble. C'est un Hop, mutant. votre bon capitaine avec sa belle face de poulpe. Un vieux mutant aussi large qu'une porte blindée, donc avec sa face de poulpe et son sourire de kraken. Donc depuis un an, il a commencé à avoir des douleurs crâniennes, des trous de mémoire, il se sentait pas très bien. Et comme vous aimez bien le vieux, vous avez l'habitude de le laisser tranquille. De son côté, lui, il a commencé un traitement à base de rhum avané et d'herbes exotiques à fumer. Donc tout ce qu'il y a de plus naturel et sain. Ça a pour effet de soulager ses douleurs. Lui-même avec ce traitement, ça le soulage un petit peu, mais ça le fait roupiller quasiment toute la journée. Comme la bande de joyeuses fripouilles que vous êtes, vous avez profité de cette occasion pour vous essayer au commandement. Donc si Bartholomiège c'est toujours officiellement votre capitaine, ça fait un moment qu'il ne donne plus vraiment de directive, et vous demande généralement ce que vous en pensez, souvent avant même de répéter vos propositions. Donc vous êtes à la tête d'un galactique basique, tout simple. Si vous avez un nom à lui donner, vous ferez. Le drapeau, vous le voyez affiché. Il y a une espèce de kraken chapeauté avec un bandeau et quelques belles tentacules. En plus du capitaine et de vous, il y a quatre matelots plutôt polyvalents, à la fois salle des machines, poste de pilotage et senseurs, ils sont capables de faire un petit peu tout. Donc dans la soute, il y a des SUC, donc les unités de cargo standard, pour votre survie dans l'espace, donc des rations, de l'eau, du rhum, des pièces détachées, ainsi que des restes de commerce. Alors c'est quoi? C'est des vêtements, des tissus, des habits de diverses qualités, des minerais non raffinés, des produits d'artisanat des Barents, donc c'est des bijoux, des bibelots. Vous êtes actuellement dans le système Exalia, assez proche de la planète Aldena, plutôt même dans sa ceinture de débris. Donc bien caché dans la nuée qui encercle la planète, se trouvent de petites stations de contrebandiers et criminels, faisant office souvent de relais au marché noir du système. Il y en a une qui est bien connue pour accueillir volontiers les pirates qui respectent le code. Là, c'est la station qui se nomme Port Espérance. Vous y avez accosté pour renflouer les réserves d'herbes médicinales de Bartholomiège et peut-être dénicher un bon coup. Et sur ce, messieurs, vous avez entendu effectivement que sur cette station, on pouvait trouver peut-être des bonnes affaires, de la richesse, du mystère. L'ambiance est plutôt détendue. Les habitants de la station ont opté pour des noms et des modes de vie à la havanaise. Vous faites relativement attention. Donc cette station, c'est une espèce d'amalgame de modules cylindriques, parfois mal raccordés. Il y a des fuites d'air assez fréquentes. Aujourd'hui, pourtant, c'est un autre sujet qui retient votre attention, puisque plusieurs équipages font halte avec vous. Et il y a quelques rumeurs qui courent sur le fait que l'un des équipages serait un équipage pirate qui rechercherait des associés pour un mauvais coup. Si vous souhaitez refaire une petite présentation de vos personnages très succincte, je vous en prie. Sinon, vous pouvez directement me dire ce que vous comptez faire. Si le capitaine par intérim, hein, Bart le Noir, c'est Bart, hein, exactement, hein, vu que ça vient de Bartholomew, mon vrai prénom, hein, je suis un séducteur, clairement, hein, je veux dire, j'ai une femme dans chaque astroport, en fait, on peut s'arrêter ou autre, hein, voilà, hein, moi je vis en fait contre ma vie de pirate pour la liberté, voilà, boire, m'amuser, séduire, jouer, voilà, c'est ça en fin de compte pour moi la vie de pirate. Toujours finalement un cigare aux lèvres, hein. Bon, c'est vrai que j'ai une belle carrure quand même, hein. Après, je suis pas non plus, je suis pas un Golgoth, hein, mais voilà, je suis assez bien fait, même si, voilà, j'ai pas non plus les tablettes de chocolat, hein, j'ai un petit peu de bide, hein, dû au grog, à la bière et au rhum. Mais par contre, c'est vrai que je suis un orateur né. Là, j'arrive à capter en fin de compte les foules, j'arrive à capter l'attention et tout ça, j'arrive toujours à trouver les mots pour que ce soit pour motiver, mais également pour nous sortir certaines fois de situations, pour négocier, pour marchander. C'est vraiment mon truc en fin de compte, hein. C'est voilà, c'est l'éloquence, c'est la séduction, vraiment ça. Je sais malgré tout me battre, hein. Je suis pas trop mauvais avec un sabre de pirate, hein. Surtout que comme je suis gaucher, bah, c'est vrai que bah, les gens qui m'affrontent, en termes de règles, finalement, ils ont un malus par rapport à ça, hein. Parce que je suis un peu une fausse patte, hein, finalement. Donc après, je suis pas trop mauvais non plus avec un pistolet laser. Et après, bah, je considère bah, l'équipage, hein, notre équipage, vraiment comme ma famille. Donc, je ferai tout pour aider, les protéger. On n'abandonne jamais personne derrière nous. Voilà, ça, c'est ma devise. Vous savez que j'ai appartenu à un autre équipage également. Cependant, j'en parle très peu. Même si vous pouvez, des fois, du coin de l'œil ou autre, hein, me voir des fois perdu dans mes pensées, en train de regarder un pendentif, hein, enfin l'intérieur d'un pendentif que j'ai autour du cou, hein, mais je suis très discret par rapport à ça. Vraiment très très discret par rapport à ça. Donc, j'ai eu l'occasion de sauver la mise à Hal, qui s'était mis dans un sale pétrin en fin de compte, hein, bah, il a manqué de respect un petit peu à des esclaves ou autres, hein, parce que pas des esclaves, mais des pirates, hein, de la Havana. Ils savaient pas trop comment on devait se comporter, tout ça, hein. Et puis bon, bah, je suis intervenu pour arrondir les angles, trouver un compromis, voilà, pour que bah, finalement ils rangent un petit peu leurs armes, hein, mais c'est ça craignait un petit peu pour lui, hein, à ce moment-là. Et il y a Zoltan également qui m'a déjà sauvé la mise. Moi-même, bah, je m'étais mis un petit peu dans un mauvais pas et puis je m'étais fait capturer. Et bah, heureusement qu'il est malin, le petit Zoltan, hein, parce que bah, il a réussi à faire un plan pour que je puisse m'évader. Et on avait fui ensemble, hein, finalement. Et donc, bah, c'est vrai que je suis très protecteur par rapport à lui, hein, peut-être encore un peu plus que par rapport aux autres, hein, mais voilà, je suis vraiment très très protecteur par rapport à Zoltan. Donc je m'appelle Boulette, je suis en fait un gars assez costaud, assez massif, un bon 1m90, gros gaillard, bien musclé. Bon, j'ai un look, on va dire, somme toute, pirate à l'ancienne. Mais j'ai pas toujours eu cette dégaine-là parce que, bien, plus il y a pas si longtemps, j'étais un fusillé dans l'Empire galactique et donc c'était costume, enfin uniforme bien tenu, la barbe il y en avait pas. Rasé, bien les cheveux très courts, mais voilà, j'ai eu la bonne ou mauvaise idée, on va dire, de pour arrondir mes fins de mois, de voler du matériel militaire, et je me suis fait choper. Alors j'ai juste eu le temps de me barrer. Ça, c'est tout ce que je raconte là, vous le savez. Du coup, aujourd'hui, je suis recherché par la police militaire de l'Empire galactique. Comment je vous ai trouvé? Eh bien, c'est par l'intermédiaire de Zoltan, puisque, comme il l'a dit tout à l'heure, il a eu un plan foireux, je suis passé par là sans trop le connaître, je le connaissais même pas du tout, mais quelque chose m'a dit que ce gars-là, il devait être de l'Empire galactique, quoi. Je l'ai peut-être senti. Je sais pas, et peut-être par camaraderie, j'ai voulu l'aider. Je me suis interposé avec les gars qui le poursuivaient. Seulement, au moment où je me retourne pour qu'on les frappe, pour qu'on s'en occupe tous les deux, il est déjà parti. Donc, je me suis retrouvé tout seul à m'occuper de ces gars-là. Mais bon, ça s'est plutôt bien passé. Et puis, une fois l'action terminée, il s'est repointé. comme une fleur et m'a gentiment invité à faire connaissance avec le groupe. Et depuis, bah, je fais partie de l'équipe. Donc je suis assez jeune, j'ai 23 ans. Voilà, je suis quelqu'un d'assez impétueux. Voilà, je peux partir assez vite. Sinon, je suis un petit roublard. Il n'y a pas que Zoltan qui fait son petit roublard. Et sinon, je suis un faux méchant. Hein, je me la joue gros dur, gros méchant, j'aime personne et tout. Mais en fait, je suis quelqu'un de très, très affectif, quoi. Voilà. Donc, Al, c'est un des canonniers du coup de l'équipage, qu'on surnomme, qui a son petit surnom de Boom Papier. C'est un ancien de l'OCG, parce qu'il a bossé pendant une bonne trentaine d'années, enfin, de sa naissance jusqu'à à peu près ses 30 ans, comme laborantin pour l'OCG, avec tout ce que c'est implique, les heures sup, les responsables pas très très sympas, le ticket utilisé pour picoler le soir pour oublier, ce qui fait qu'il a développé d'ailleurs un foie à toute épreuve. C'est impressionnant, il est pas très très baraqué, mais alors il picole comme 50. C'est assez surprenant. C'est et quelqu'un d'assez. C'est une fortune. Ouais, mais je la récupère en pari à l'alcool. À chaque fois qu'on fait des jeux d'alcool, je gagne. Du coup, vous perdez une fortune, moi pas, mais. Du coup, personne joue avec moi maintenant, c'est terrible. Non, c'est quelqu'un d'assez aimable, plutôt globalement de bonne humeur, un peu jovial. C'est un peu surprenant pour un ancien de l'OCG qui a tendance à être un peu plus dépressif. C'est aussi quelqu'un qui est toujours très loyal, c'est-à-dire qu'il ne laissera jamais quelqu'un derrière lui. Il obéira toujours à l'ordre du capitaine, du second, ou même des fois de ceux qui ont besoin qu'on fasse des trucs dans l'urgence. Par contre, il a quand même quelques petites tares, parce que bah, voilà, à l'OCG, on n'est pas toujours très très sympa. La première, c'est qu'il est affreusement vénal, parfois trop, il est très très tatillon quand on fait les partages des prises d'abordage ou des récompenses, il est toujours très très tatillon sur les chiffres. Ça lui arrive aussi de piquer 2-3 trucs qui traînent quand quelqu'un ne regarde pas, ce qui m'a valu de se faire un peu taper dessus par moment, un peu n'importe qui dans l'équipage. Il a aussi une très fâcheuse tendance à vouloir recalibrer les canons, le canon du navire. Ce qui fait qu'il s'engueule très souvent avec l'autre canonnier. Ça, il recalibre beaucoup. Du coup, il s'engueule souvent avec l'autre canonnier parce qu'il n'est pas d'accord. Et ça donne lieu à des disputes, des débats interminables sur le bon calibrage à avoir pour le canon. Et son dernier petit défaut, c'est qu'il a quand même un petit paquet, c'est surtout lié à la manière dont il a été recruté dans l'équipage. Parce que, bah, je disais, jusqu'à ses 30 ans, plus ou moins, c'était encore un laborantin. Et à l'occasion d'un séminaire... voyage avec sa société, aussi bien le team building, comme on entend, voilà, exalter l'esprit corporate entre les collaborateurs, le vaisseau de plaisance qu'ils avaient s'est fait aborder, s'ils n'ont pas fait attention à ce qui se passait autour d'eux, par justement l'équipage de Bartholomew, ce qui a déclenché une panique quasi immédiate dans beaucoup de monde. Et sans qu'on sache trop comment, dans la panique, il a voulu ouvrir une porte qu'il ne devait pas. Il s'est dit que le seul moyen de l'ouvrir, ça serait d'essayer de faire fendre le verrou. Il a réussi à faire sauter la porte, en bout de la coque qu'il y avait à côté, enfin de la verrière qu'il y avait à côté, qui était un peu plus fragile. Et il a passé par-dessus bord une partie de sa hiérarchie. Et ça fait rire beaucoup de monde dans l'équipage de pirates qu'ils avaient abordé, et lui aussi. C'était assez drôle, en fait, comme scène. Alors, il s'est un peu inquiété de se dire, c'est dommage, c'est quand même des êtres vivants, mais en même temps, c'est des connards. Alors, c'était rigolo de faire sauter la porte. Ah, je vais réessayer. Bon, il s'est pas dit ça tout de suite, parce que, sur le coup, il était un peu surpris. Mais Bartholomew a trouvé ça assez rigolo. Il trouvait que Al avait l'air d'être... de comme on dit, de renaître un peu d'une vie passée, morne, éterne, à bosser pour des multinationales qui connaissent pas votre nom, qui vous exploiteront jusqu'à la moelle. Et Al, ça a été un peu comme un enfant. À ce moment-là, il s'est dit, ils sont libres, ils sont indépendants. Ah, vas-y, j'en ai marre. Vas-y, je vais rejoindre l'équipage. J'accepte votre proposition. Et du coup, il a rejoint l'équipage toujours un peu choqué dans le premier temps, mais très très enthousiaste, et ça se sent encore même maintenant. Comme je dis, toujours un peu jovial, toujours prêt à balancer une petite bêtise ou à aider ses camarades. Parce que du coup, il a redécouvert ce que c'est que vraiment que de vivre pour lui. Mais du coup, le problème, c'est qu'il a tellement aimé faire sauter les trucs que c'est un peu un problème par moment, parce qu'il faudrait pas qu'il le fasse trop souvent. Donc, comme on dit souvent, c'est si on lui dit non, ça va. Faut juste qu'on lui dise suffisamment vite. Il n'attendra pas très très longtemps avant de faire ses conneries. Mais jusque-là, surprenamment, ça n'a jamais trop donné tort à l'équipage. Il n'a jamais fait sauter le navire. Il fait surtout sauter les vaisseaux qu'on aborde, ceux qui nous attaquent. Et effectivement, son premier passage à Havana, il s'est foutu un peu dans la merde parce que il s'est comporté comme un laborantin de l'OCG. Il n'était pas encore très, très au fait des us et coutumes pirates. Comment fallait s'adresser un peu aux autres, qu'est-ce que c'était qu'un Bosco, par exemple, le second, est-ce que c'est un responsable, est-ce que c'est pas un responsable. Et dans un bar, il a voulu faire un jeu d'aboire avec des pirates du coin, parce que le ton est un petit peu monté quand ils ont vu qu'il était quand même pas mauvais, et il a très très mal répondu, il les a pris un peu de haut, et ses vieux réflexes qui sont revenus, et c'est effectivement Bart qui est arrivé... en entendant un peu la commotion et qui a réussi à négocier une reddition contre rémunération liquide. Et ça s'est fini, comme dans beaucoup d'histoires de pirates dans un bar, avec plusieurs chopes sur la table et des tapes dans les épaules, comme on le fait très souvent. Donc pour le coup, il doit beaucoup là-dessus. Et c'est pour ça que quand il a proposé de partir en balade sans le capitaine, parce que le capitaine n'était pas très en forme... Bon, Bart, il sait bien parler, il connaît bien les habitudes. Hal, ça lui convient très bien. Dès que c'est pas du commerce ou de la paperasse, lui, il est mauvais. Donc, il est bien dans son canon. J'imagine que j'étais peut-être déjà le Bosco, finalement. Je suppose probablement. Voilà, c'est ça, donc... T'avais la gouaille, de maintenir un peu peut-être l'équipage au pas et... justement de négocier quand il y a besoin, de parler, d'échanger avec les autres. Donc voilà. Donc comme je vous le disais, vous êtes sur Port Espérance. Donc c'est une station qui fait environ 1000 tonnes, qui accueille à peu près une soixantaine de personnes. Et la moitié de ces personnes sont généralement des visiteurs. Donc des modules cylindriques reliés par soin, donc des bricolages plus ou moins astucieux. Et la gravité y est faible. Alors en termes de jeu, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous marchez deux fois plus vite. Et qu'il est plus facile pour vous de faire des acrobaties. S'il y a des acrobates, vous pouvez vous amuser. Donc la station à l'abri des docks, les quartiers des habitants, une cantine bien sûr, et un seul et unique bar qui s'appelle l'Escapada, qui offre une vue imprenable sur la ceinture de débris pour celles et ceux qui aiment siroter de l'alcool et jouer quelques crédits avec les visiteurs. Messieurs, que faites-vous? Alors, on a une cargaison à vendre, non? On a des choses à vendre ou pas? On va récupérer une pour le capitaine. Ouais, on doit récupérer... Des herbes pour le capitaine. Du coup, il faut qu'on lui ramène, si j'ai bien compris. Je pense qu'on va faire ça déjà dans un premier temps. Hein. D'abord le boulot, mais ensuite on s'amuse. Voilà. Ouais, bon, un coup après, pour fêter ça. Bah écoute, on va aller là où on doit récupérer cette fameuse cargaison. Hein. Effectivement. Donc vous allez prendre... Ça vous prend une demi-journée, hein, une fois que vous êtes arrivé sur la station, pour refaire le plein de Radix. Donc c'est les ressources en carburant, en énergie pour le vaisseau. Vous refaites le plein de rations, tout autre matériel essentiel. Vous allez avoir quartier libre pendant 12 heures à peu près. Bartholomiège, lui, donc une fois que vous avez inspecté un peu les lieux, regardé quels étaient les magasins, les petits stands qui se trouvent dans... la zone centrale de la station où il avait indiqué où il pouvait trouver quelques-unes de ces herbes. Et lui, c'est le temps qu'il décide de prendre aussi pour négocier et préparer ses médicaments avant d'avoir suffisamment de matière et de décoction pour reprendre la route où personne ne le sait puisque il vous a chargé aussi de trouver la prochaine destination. Ok. Donc en gros, c'est je pense qu'on va... On va boire un coup, hein? Bah ouais, bien sûr, on va aller dans un... On va pas se gêner, non? Petit troquet, là, hein On n'a pas fait tout ce chemin juste pour aller pour le boulot. Ah, la gorge est sèche, hein. Ça m'étonne. Et il me faut un bon rhum. Eh ben, allons à l'escapade. Alors que vous vous déplacez de manière svelte, légère, féline, à travers les cylindres, et il vous faut une petite dizaine de minutes, même pas, pour rejoindre le seul et unique bar de la station. C'est tout simple. Une entrée, quelques tables, quelques bancs, quelques tabourets. Des fois, vous avez des espaces un peu plus cosy. Et surtout, une énorme baie vitrée qui offre un spectacle particulièrement impressionnant sur la ceinture de débris dans laquelle vous vous trouvez. Vous avez un homme qui se tient derrière un comptoir plutôt improvisé. Il s'est amusé à porter un foulard sur la tête. Vous voyez qu'il a essayé de se bricoler des morceaux à pièces de vêtements pour se donner un air plus coloré et panaché. À part ça, vous arrivez à observer une autre personne qui est un jeune garçon qui semble aussi lui travailler à l'escapada. Il y a un petit peu de personnes, suffisamment peu pour pouvoir en faire le tour. Donc, vous imaginez qu'il y a certaines personnes qui doivent être déshabituées, puisqu'ils n'ont pas un air très aventureux, en tout cas, ça doit être des gens du coin. Et par contre, quand vous jetez un œil rapide, vous voyez donc trois personnes qui, eux, sortent du bar de l'escapada quand vous y rentrez, quasiment au même moment. Mmh. Ils ont un look de contrebandier. Contrebandier de l'espace, donc mercenaires, comme vous les imaginez, assez stéréotypé. Et plus loin dans le bar, donc face, tourné vers un hublot, hein, face à l'infini étoilé, vous avez un mutant tout petit, puisqu'il doit faire un peu plus d'1m20, 1m30, tout cassé, qui est assez étrange, puisqu'il ressemble à une espèce de souris géante. Et pas loin de lui, il y a une table ronde avec, par contre, là, un humain qui a l'air complètement gigantesque et une bonne musculature bien développée. Et ça a l'air d'être un peu une espèce de gros barbare. Mmh. Ok, bon, moi je vais me diriger vers le bar. Hein. Bah pareil, je suis. Moi. Pareil, moi, je prends la boire, c'est très bien. C'est ça, hein. Oh, on va se commander une bouteille, hein. Moi, ouais. Ah, des visiteurs. Bien, bien, bien. Voilà, mon brave. Ah. Alors, moi et mes hommes, on a soif. Soif, soif, très bien. Très bien, qu'est-ce que vous voulez boire? Nous avons l'alcool du vrai rhum d'Havana, distillé par mes soins. Nous avons la fameuse bière météorite, tout droit arrivée d'Exalia. Nous avons aussi une merveilleuse eau en bouteille. Eh bien, ma foi, ce sera du rhum. Du rhum. Voilà, du rhum. Trois rhums. Trois bouteilles. On va prendre une bouteille. Déjà. Et trois verres pour l'instant. Et voir si ton rhum il est bon. Une bouteille et trois verres. Bah, il vous sort une bouteille de sous son comptoir. On voit qu'il fouille dans quelques cartons. Alors, quand il vous sort la bouteille. Vous savez très bien que c'est pas du tout du rhum d'Havana. Mmh. Oui, bon, ça, on s'en doute. Voilà. Le rhum d'Havana, pas fait à Havana, c'est pas du rhum d'Havana. Ça a l'air d'être un espèce de truc distillé qui sent l'alcool carbonisé. Bref, bon. Écoutez, il vous sort ça. Il vous demande la modique somme de 3 crédits. Oui, bah, je lui donne, hein. Voilà. Voilà, 3 petites pièces qui tombent devant lui, qui s'empresse de ramasser. Vous remercie. D'où est-ce que vous venez comme ça? Un peu partout. C'est ça. Partout où l'aventure nous appelle, partout où il y a de l'argent à se faire. Crédit surtout. C'est important les crédits. D'ailleurs, tu sais pas où on pourrait aller pour trouver des crédits? Pour trouver des crédits? Bah pour en gagner, pour en trouver, je sais pas. D'ailleurs, que dans ta caisse. Il vous regarde avec un petit sourire. Eh ben, si vous cherchez quelque chose, apparemment, les types qui sont là-bas chercheraient des partenaires. En tout cas, c'est ce qu'ils disent, parce que moi, je les ai surtout vus et conduire tous les équipages qui se sont présentés à eux jusqu'à présent. Et il vous indique de la tête le petit mutant qui se trouve face à la baie vitrée. D'accord. Ah, j'en connais un qui n'a pas été souvent conduit. Il va peut-être faire la différence. Tu vas me dire qu'il a viré tout le monde. Tous ceux qui sont passés ont fait demi-tour. Oui, jusqu'à présent. Bon, après, il faut dire que tous ceux qui sont passés, ça représente 1, 2, 3, ça représente 4 groupes de personnes. 4 petits équipages, donc. Mais pour ici, c'est beaucoup. Ouais. Et donc, qu'est-ce que vous en pensez? On pourrait aller le voir, peut-être. Moi, dans un premier temps, je vais mettre un peu. Je vais observer la salle, justement, hein. Balayer la salle des yeux pour regarder justement si il n'y a pas une demoiselle charmante. Bah écoute, tu observes l'escapade et tu n'observes pas particulièrement de demoiselle charmante. Il y a une dame mais qui doit avoir bien le double de ton âge et qui semble être une pilier de bar. Ah. Et pour toi celle-là. C'est déçu. Dans un second, moi, je vais boire. Ouais. Bon, qu'est-ce qui s'est passé récemment par ici? Récemment. Je sais pas. Il y a eu. Tout va bien en ce moment. Vous n'avez pas eu de soucis, pas de. Comme pas d'embrouille. Ça va très bien. Oui, ouais. On n'en a jamais, c'est vous savez. Pas chier. Non, de toute façon, on ne les voit jamais venir par ici. Nous avons nos accords. Mais qu'est-ce qu'il y a? Ah si, il sort un module d'information. Donc comme une, ça ressemble à une espèce de tablette, une sorte de tablette. Et il tapote dessus et vous voyez quelques affichages de titres, comme des news en fait, hein. Des news de journaux qui se mettent à clignoter, à défiler. Si, c'est vrai. Un groupe de personnes, très certainement peut-être des amis à vous, ont infiltré une grande course sportive. Justement, c'était sur Exalia, justement, sur les zones de course. Et bah regardez, hop, il commence à tapoter encore sa tablette. Et vous avez une vidéo qui s'affiche, vous voyez. Une espèce de comité de personnes bien habillées, en tailleur, en costume, qui sont d'un seul coup affolées, alors qu'il y a quatre personnes qui s'écrasent au milieu de la foule. Donc ils étaient en train de regarder visiblement une course. Donc c'est sont des petits vaisseaux très rapides, un peu l'équivalent des courses de F1 qu'on peut avoir nous. Donc vous avez quatre personnes qui tombent dedans. Visiblement des pirates, vu comment ils sont fringués, et vu leur manière, ils bousculent quelques personnes. Il y en a un qui monte sur l'estrade et qui pique le trophée, qui commence à danser un petit peu et à faire une espèce de discours face à la caméra pendant que les autres sont en train de se barrer en courant. Et alors que la course n'a pas encore commencé, puisque c'était la cérémonie d'ouverture, ils sautent dans un des bolides et visiblement ils le volent et se barrent, poursuivis par des équipes de sécurité. Et bien évidemment, vous les voyez s'envoler vers la stratosphère et disparaître au-dessus d'Exalia. Donc ça a fait parler. Et c'est apparemment la nouvelle la plus intéressante du moment. Ça, et bien sûr, le cours des prix des différents minerais et des différentes denrées qui s'échangent en plus grande quantité. Voilà le genre de couillu que j'aime bien. Ouais, moi aussi, ouais. Ça se perd. Il y en a de moins en moins des comme ça. Bon, déjà, je vais avaler mon verre, hein, puis m'en resservir un. Et resservir un mes deux compagnons de route. Le mien est parti très très vite. Ah bah oui, hein, voilà, on avait la gorge sèche. Oh, ça va. Vous allez passer le temps, comme ça, il y a une petite heure qui va pouvoir s'écouler. Pour l'instant, il n'y a rien de bien passionnant qui se passe. Quelques autres visiteurs sont arrivés. Vous avez pu observer un groupe de 5 personnes, pareil, donc, ou des contrebandiers, ou des mercenaires. En tout cas, ils n'ont pas forcément l'air de pirates, ils avaient plutôt un air un peu mauvais. Ils se sont approchés aussi donc de la grande baie vitrée, et donc de la table où se trouve le mutant au trait à l'aspect animal et l'espèce de géant. Ils ont échangé quelques mots et après 5-6 minutes, ils se sont fait gentiment éconduire. Ils sont repartis, ils étaient pas ravis de se faire mettre de côté, mais ils sont repartis. Ah, dis-moi, Bart, je pense que c'est à nous d'y aller, il nous attend, j'imagine. C'était une évidence. Même si on ne sait pas. On ne le sait pas encore, mais c'est nous qui l'attend. Je prends la bouteille, mon verre, et je vais m'asseoir en face de lui. Très bien. Bah écoute, tu t'approches, est-ce que les Belette et Al, est-ce que vous l'accompagnez? Bien sûr. Ouais. Mais je laisse Bart passer en premier, je me mets un peu en retrait. Donc vous vous approchez, donc vous arrivez à distinguer de manière plus précise les traits et l'accoutrement du petit mutant. Donc il a un aspect animal assez étrange, donc il a une longue, deux grandes oreilles, il y en a une qui est particulièrement animée. Son bras droit, maintenant que vous êtes un peu plus proche, puisque vous voyez que c'est une prothèse cybernétique de qualité militaire. Il mesure, voilà, comme je vous ai dit, en fait, il est un peu plus grand que ça, il doit faire un petit 1m50. Visiblement, il est donc perdu, le regard tourné vers l'infini étoilé. Et il sirote lui aussi dans un verre, votre mauvais rhum. Quand vous arrivez, donc Bart en premier, quand tu commences à t'approcher de la table, c'est une montagne de muscles qui va s'interposer et qui va t'adresser un espèce de sourire carnassier souligné par un collier à pointe qu'il a autour du cou. Barkrom, vous êtes venu pour la proposition du capitaine. Vous avez intérêt à plus l'impressionner que les autres talkers qui sont passés avant vous. Je te regarde te dévisageant. Je vais... prendre mon cigare en fin de compte après avoir tiré une assez longue bouffée, et puis je vais juste lui souffler la fumée au visage en fin de compte. Hein, Bah écoute, tu lui souffles ta fumée au visage alors qu'il continue à te sourire, et donc tu peux voir qu'il a une hache tronçonneuse et une épée à la ceinture et un hyper blaster en bandoulière. Et alors qu'il dévoile encore plus une belle rangée de dents derrière lui, le mutant vous a aussi observé, vous a aussi vu venir. Allons, Sacha, laisse s'exprimer ces jeunes requins. Peut-être qu'ils se montreront plus dignes d'intérêt. Le géant s'écarte pour vous laisser passer. Alors quand je dis géant, c'est, il fait bien 2 mètres de haut facile. Hein. Et le gros tal et sa pareille, du coup, bah, un mutant. Voilà, 1m50. Comme je vous ai dit, son museau frétille légèrement et vous fait signe d'approcher donc de sa prothèse cybernétique. Et il sort d'une de ses poches une sorte de barre jaune faussement molle qu'il commence à grignoter. Je vous écoute. Et vous faites signe d'approcher. Moi, je vais m'asseoir. Hein. Et je vais remplir son verre avec notre bouteille. Lui faire un appoint. Il se laisse faire tranquillement. Il lève son verre dans ta direction et il le tend afin de trinquer. Je suis Bars le Noir. Je suis le Bosco de l'équipage du Kraken affamé. Et on a entendu dire qu'a priori vous chercheriez des partenaires. En effet. Enfin... nous cherchons des partenaires dignes de confiance. Il fait une petite révérence. Je suis le capitaine Mortimer Mouse, du très explorant Steamboat Willie. Alors, vous êtes ici pour faire affaire. Et qu'est-ce que vous cherchez comme affaire et quel genre de pirate êtes-vous ? Nous sommes le genre de pirate sur lequel on peut compter. Pirate on n'est pas du genre à la mettre à l'envers. Mais en même temps, on n'a pas peur de mettre les mains dans le cambouis quand il faut. Et dans la gueule. Dans la gueule si besoin. Je dirais qu'on est plus à l'ancienne, quoi. On travaille à l'ancienne. On respecte les règles. C'est ça. Donc, des pirates prêts à jurer sur leur honneur. Tout à fait. C'est clair. Respecte le code. Pour l'honneur. Alors, afin de faire un petit jet, quand même, allons-y. Donc Bart, puisque c'est toi qui es là, je vais te demander un test d'éloquence. Tu as droit à un des supplémentaires. Tu as droit à un des supplémentaires. Alors, j'ai déjà cliqué, donc je sais pas si. La difficulté. Ça fait 4 succès. Bah écoute, avec ton attitude, ta façon de t'exprimer, visiblement tu sembles avoir convaincu votre ami la souris. Et en vous regardant, elle me dit bien. Puisque vous dites être honorable et que vous semblez sûr de vous, je vais vous proposer le plan. Et avant ça, il te tend sa main afin de la serrer. Je lui serre la main, hein, sans problème. Asseyez-vous. Sacha, fais-nous un peu de place, veux-tu ? Le géant se lève. Vous adresse un petit signe de tête. Je vais aller me chercher à boire. Il part vers le bar. Bon. Messieurs. C'est très simple, voyez-vous. Je sais qu'un groupe de marchands indépendants ont découvert une mine dans un système initialement sans grand intérêt. Cependant, ils ont découvert des artefacts aliens. Et, comme vous le savez, ces trucs-là sont très dur à revendre. Il faut connaître un gars spécialiste du marché. Et la bonne nouvelle, c'est que j'en connais un. Visiblement, le capitaine Mouse semble sourire. En tout cas, c'est ce que vous supposez, en voyant les frétillements de son museau. J'ai, comme qui dirait, dégommé le receleur qui devait aller les retrouver sur le site. C'est dans son journal de bord que j'ai découvert l'existence de ces sites aliens. Il y avait même un récepteur radio, certainement utilisé en le couplant au senseur pour faire office de carte une fois sur la planète. Et justement, c'est là que vous intervenez, à la place du receleur. Ce sera vous, Bart le Noir, Al et Belette. Débrouillez-vous pour récupérer la cargaison et revenez vers Exalia. Vous voudrez être assez prudent, parce que je ne sais pas du tout ce qui se trouve là-bas, ni quel sera le comité d'accueil, d'ailleurs s'il y en aura un. Pendant ce temps, parce que, bien évidemment, vous pouvez vous demander pourquoi je n'y vais pas moi-même, eh bien, je dois régler plusieurs affaires qui ne sauraient souffrir de délai, et ce qui me permettra en même temps de contacter mon receleur. Je vous propose donc de nous retrouver au Triple Twister, sur Exa01. On fait la vente là-bas, comme vous m'êtes d'une grande aide, on partage en deux. Et on s'ouvre cette fois une véritable bouteille de rhum, et pas cette saleté d'hylio liquide de refroidissement. Alors, est-ce que vous en êtes ? Je jette un œil à mes compagnons tout en tirant sur mon cigare. Si je ne vois aucune objection sur leur visage, hein, je fais... Nous en sommes ! Visiblement, il semble assez ravi. Et il vous demande si vous avez d'autres questions sur son plan. Donc, que je résume. Hein, alors, le joueur résume. Hein, donc il y a un emplacement, on y va, on récupère le trésor, on revient. Alors, il y aura peut-être de l'adversité, il y en aura sûrement même. Et on le retrouve donc sur Hexa 01, c'est ça? Ouais, au Triple Twister. Oh. Alors, triple, comment on est plus que ça? Triple Twister. Triple. Triple. Twister. Non, ça fait triple. Ah merde, j'ai mis Twitter. Triple Twitter. Twister. Merde. Non, on va encore se manger des shitstorms sur la route. Ok, moi j'ai pas de questions, vu que c'est pas que s'il y a de l'adversité ou pas. Est-ce qu'on risque d'avoir de la concurrence sur cette récupération, selon lui ? Il en a aucune idée, il pense pas, puisque de ce qu'il a extrait du journal de bord du reseller initial, c'est il y a quelques échanges de messages, on va dire, qui étaient notés. Donc des enregistrements, et à aucun moment il est fait mention, on va dire, de concurrence ou d'un espèce de commerce triple ou quad ripartite ou autre. Et qui pense que vous êtes les seuls, que théoriquement vous êtes attendus d'une certaine manière. Par contre, il n'a strictement aucune idée de qui est-ce que vous devez rencontrer, comment ça se passe, ni rien. C'est là tout l'enjeu. Ok. Bah, moi ça me va bien, hein. Enfin, à moins que vous ayez des questions. Non, j'ai rien qui me vient. Non, j'ai juste envie de bosser. Et ben... collection, moi ça me va. Tant qu'il y a des crédits au bout, ça suffit. Eh bien, nous sommes vos hommes. Allez, très bien. Eh ben, une fois que vous n'avez plus de questions. Donc il va vous révéler les coordonnées donc, du système. Donc ce système se trouve en bêta 22. Et la planète où vous devez vous rendre s'appelle la planète Dilia H1. Donc lui, Maos, ce qu'il vous révèle en plus comme information, c'est que donc, il y a une présence d'un peuple autochtone qui est apparemment peu avancé technologiquement. Ce peuple autochtone, il est connu sous le nom des Diliani. Et il représente strictement aucune menace. Voilà, donc en tout cas, s'il y a quelque chose, ce sera pas de leur présence à eux. Et okay. Quant au reste, il vous propose de vous rendre, de finir les quelques heures qui viennent, de siroter un petit peu, et de se retrouver ensuite, de partir ensuite en direction des docks. Si, c'est une question, est-ce que dans le bouquin, il aurait vu s'il y aurait des pièges, ce genre de choses, peut-être. Non. Le reseller a juste pris des notes sur les messages qu'il avait pour se repérer. Mm-hmm. Les informations clés. Mais il n'y a pas de livre ou quoi que ce soit. Hein. C'est juste un bloc mémoire, les données qu'il a extraites du nav ordinateur du vaisseau du reseller qu'il a dégommé. Okay. Donc ça c'est vraiment tout. Enfin là où on va, c'est vraiment un secteur où c'est pas affilié à qui que ce soit. Enfin c'est un peu en dehors de tout quoi. Alors si tu prends hop, la carte et 22, c'est quoi, c'est... tu zoomes ligne hop. C'est quoi bêta voilà. 22, j'imagine que c'est vous B22. Êtes Exalia. Ouais, c'est ça. Voilà c'est ça. Donc, vous êtes juste à côté. Ouais. Hop, je fais une petite flèche. Voilà. Donc c'est dans les Barents. Ok. Après, de toute façon, comme vous le savez, il y a des zones de Barents à l'intérieur même des nations stellaires, puisque impossible de visiter tous les systèmes et toutes les planètes. Mmh. Mais là, c'est vraiment hors nations stellaires. Okay, j'ai juste une question autre. Est-ce que vous avez bien eu l'affichage des images, des illustrations des personnages? Oui. Ouais. Super. Le capitaine Mortimer Mouse. Oui, c'est ça. Et Sacha. Sacha, ouais. Du Bourg Palette. Par Chrome. Ouais, vas-y. Non, je dis juste que moi personnellement, déjà, je suis content de savoir qu'on va pas dans le côté Empire Galactique. Je m'aurais fait chier de passer par là. Donc déjà, ça me rassure. Voilà. Mmh. Bah, c'est tout. Allez. Si c'est bon pour vous, on avance. Allons-y. Allez. Oui, on va finir tranquillement la bouteille. Voilà, là, regarde, j'ai sorti un jeu de cartes, tu vois. C'est... Mais bon, ouais, bien sûr. Bon. Personne triche, hein. Arrêtez. Hein. Alors, moi, je ne triche jamais. C'est ce qu'on dit, ouais. Tu gagnes trop souvent, Bart. C'est louche. C'est parce que je suis bon. Ouais, c'est ça, ouais. Vous allez gagner, perdre quelques crédits en fonction de vos talents au jeu. Tranquillement. Sacha, il jouera pas avec vous, parce qu'il dit que c'est pour les tafioles, et que les seuls vrais jeux qui méritent d'être joués, c'est les bras de fer. Ou les coups de tête, qui est un jeu de sa planète par Chrome. Et si vous voulez autant expliquer les règles, c'est chacun se met des coups de tête jusqu'à ce qu'il y en ait un des deux qui tombe KO. Oh putain, ouais. Il y en a qui veut essayer. C'est fin. Je ne vais pas lui proposer. Hein, Non, je vais éviter. Je sais qu'il y en a qui jouaient à ça par chez moi, mais j'étais pas très fan. À des fois, je propose peut-être un jeu d'alcool à qui arrive à boire le plus de piquettes, mais. Ah, c'est, il veut bien y jouer aussi. Il dit que. Je vais laisser Bart plumer les deux autres et moi, je vais faire un jeu d'alcool avec Sacha. Vous pourrez, si tu veux, complètement dépouiller les quelques locaux qui voudront jouer avec vous à ce jeu d'alcool en leur disant on vous offre la bouteille, mais on paye l'alcool, mais il faut parier des crédits. Et vous allez boire comme des trous et vous allez voir une masse de personnes endormies autour de vous en coma éthylique. Tout va bien. Eh ben, ça fait une bonne journée. Ouais, franchement, ça fait longtemps qu'on s'était pas amusé comme ça. Vous rigolez bien. Vous vouliez plus ou moins d'amitié, en tout cas de bonne compagnie, avec le capitaine Mortimer Mouse et son second, donc Sacha. Sacha, vous comprenez assez vite que lui, il est originaire des Barents, donc c'était un barbare des Barents, hein, donc il vivait sur un monde sauvage où il y avait rien, enfin il y avait rien. C'était la meilleure vie qu'il avait sur sa planète. Il y avait Chrome sur sa planète, c'est lui qui dirigeait tout. Et voilà, donc il a été récupéré par Mortimer Mouse parce que c'était un esclave sur sa planète. Et comme il est très costaud, bah, il s'est très vite démarqué. Et il fait office de maître d'abordage au niveau de l'équipage du Steamboat Willie. On se demande pourquoi. Donc en compagnie de Mouse, vous retournez au niveau des docks de Port-Espérance. L'équipage du pirate est déjà en train de préparer son vaisseau. Donc vous voyez, il y a un pulsar crème aux décorations noires, représentant une sorte de bateau issu de conte. Le drapeau, c'est les espèces de vieux bateaux à vapeur, un peu comme on se l'imagine dans l'esprit ouest américain. Et de toute façon, si vous avez perçu la référence au Steamboat Willie, vous pouvez tout à fait imaginer à quoi ça ressemble. Le pulsar, vous avez déjà une image. Tac tac tac, et sinon je vous en remettrai une tout à l'heure. Ouais, c'est un des aliens high tech. Ouais, tout à fait. Ligue des Planet Team, ça ressemble à ça, un pulsar. Voilà. Ok. Donc, le capitaine se tourne vers vous et vous adresse une sorte de sourire étrange. Bon, on a donc plus de temps à perdre. Je file en ce qui me concerne à Exalia. Dans 17 jours, je vous attendrai au Triple Twister, près de l'Astroport, donc Exa 01. Dans 20 jours, je vous considère perdu, si vous n'êtes pas là. Les marchands attendent leur reseller dans à peu près 7 jours en orbite autour de Dilia H. Ils attendront peut-être un ou deux jours de plus avant de s'inquiéter, ce qui vous laisse largement le temps d'y aller. Vous êtes prêts ? Allons-y ! Merci. Vers l'aventure, compagnon. Eh bien voilà, c'est le moment des derniers préparatifs. Donc tout est avancé. Si jamais vous avez besoin, Mouse se propose de jeter un œil pour vérifier si vous avez assez de pièces détachées de ce qu'il faut par rapport à ses connaissances. Mais bon, vous êtes rodé, donc tout va bien. De toute façon, il vous fait assez confiance. D'ailleurs, il vous salue une dernière fois et vous donne rendez-vous au Triple Twister afin de vous envoyer une bonne rasade de rhum. Quant à vous, vous embarquez et peu de temps après, vous décrochez de Port-Espérance et commencez à slalomer à travers la ceinture de Démarie. Le steamboat Willy de Mât aussi fait de même, mais selon une trajectoire qui l'éloigne de vous. Bientôt, vous allez être seul, et Aldena, donc la planète la plus proche, n'est plus qu'une petite vie bleue dans l'espace. Les autres planètes du système orbitent au loin. Et déjà, vous pensez au voyage qui vous attend et à ce que vous trouverez au bout du tunnel littère hyperspatial. Il va être temps pour vous de tracer un cap. Alors, le voyage spatial. Il va falloir commencer par déterminer un cap. Ça se fait avec un jet de dés, donc c'est un test de navigation. Donc on va faire tout un tas de calculs. C'est pas à moi ça, chef. Ça prend à peu près une heure. Donc normalement c'était Zoltan. Je vais vous épargner les jets qui le concernent. J'en fais juste la présentation. Je veux bien. Au mieux, sinon on est mal barré. Voilà, j'ai 4 en navigation, mais bon, voilà. Tu peux. C'est dans l'intelligence. Ceci c'est pas, j'ai 4, c'est pas fou. Donc la difficulté du jet va dépendre de plein de choses, notamment est-ce que c'est une route qui est plutôt sûre, une route qui est connue, un système qui est mystérieux. Donc en fonction des informations qu'on a sur et de la connaissance sur le trajet, on peut déterminer un cap plus ou moins sûr et où on va rencontrer plus ou moins d'anomalies. Donc là c'est une difficulté de 3 par exemple pour celui-ci. Et donc ça prend généralement à peu près une heure. Donc c'est des calculs, des globes, il y a des globes célestes de système qu'on fait apparaître, on commence à faire tout un tas d'équations, etc. pour retrouver la meilleure route possible. Donc vous avez Zoltan, et si l'un d'entre vous a envie de l'aider, vous pouvez, donc c'est votre navigateur. Sinon c'est un nouveau matelot qui va l'aider. Voilà. Les plus expérimentés ou les plus fous des pirates, des fois, tracent des caps un petit peu au hasard. C'est peu recommandé, mais ça se fait. Et ça y est, le cap a été tracé pour aller en direction de Dilia H1, donc, qui est situé à 3 cadrans de vous. Donc 3 cadrans, ça veut simplement dire qu'il vous faudra 6 jours de voyage en hyperespace avec votre basique pour y aller. Donc, à vous d'organiser le voyage. Donc en sachant que quand on parle d'organisation, c'est en termes de quarts. Alors pour faire simple, ce qu'on va faire, c'est que vous allez faire vos quarts ensemble, pour pas vous séparer. Et vous allez faire le quart de départ. Après, il y en aura un sur deux, mais de toute façon, on dira que vous serez. De toute façon, ce sera vous qui serez présent pour le quart d'arrivée. Ok. Donc une fois qu'on a fait. Après, s'il y a des personnages particuliers, donc je mettrai Zoltan avec vous de toute façon. Ce qui fait que le deuxième quart, c'est les matelots qui sont avec vous, tout simplement. Mmh. Ok. Oui, je me disais, je pense qu'on alterne. Voilà. Ouais. C'est 8 heures de taf, 8 heures de repos, et puis on bouge comme ça généralement, ou ça dépend, parce que rappelez-vous, les journées, si c'est au format OCG, hein, c'est 25 heures. Mmh. Donc, c'est 10-10 et 5 pour les plus courageux. Donc une fois qu'on a déterminé le cap, on se met en route. Donc on va rentrer en hyperespace. Donc c'est pareil, c'est plusieurs manœuvres à faire, parce que ça reste quelque chose de relativement dangereux. Et on va passer dans le tube hyperspatial. Donc là c'est pareil, les tubes hyperspatiales, je vous rappelle, donc c'est un diamètre de quelques mètres, un peu plus large que le vaisseau, mais pas beaucoup plus. Et si on touche les bords, on est mort. Donc attention. Et chaque toujours un navigateur pour maintenir le vaisseau sur le bon cap. Voilà, exactement. Il n'y a pas d'IA, il n'y a pas de. C'est ça. Ouais, il y a Zoltan et un autre navigateur, un autre mousse qui a des stats moyennes pour le faire, donc tout va bien. Donc, comment se passent les voyages? Donc, il y a le voyage hyperspatial, c'est ce que vous allez faire, et le voyage interplanétaire. Dans les deux cas, une fois qu'on est rentré en mode voyage, on va avoir des périls. Pour globalement chaque jour en fait qui va se passer, et ça c'est des tests plutôt aléatoires, et on va s'amuser à en faire un petit pour vous, histoire de vous montrer à quoi ça ressemble. Alors peu importe qui fait le test, puisqu'il n'y a pas de, c'est pas un test de compétence, c'est vraiment un test aléatoire. Donc l'idée c'est que vous choisissez l'un d'entre vous qui a envie de lancer 2d6. Bah allez, l'un de vous, moi j'ai déjà fait un jet. Vendu, je vas-y, hein. je te laisse l'honneur. Je peux faire un jeu au pif à la zob quelque part. Peut-être dans le chat, tu vois, dans le chat, notice. Oh là, tiens. Ah non, c'est des 6, c'est des 6. Ouais, c'est bon, ça te fait 8. Donc, un premier 8. Donc, en fait, donc c'est une table aléatoire, tout simplement. Mm-hmm. Donc, là, l'idée, c'est que... Voilà, exactement. Par rapport au scénario, il y a des choses qui sont plus... Qui sont, où on fait du total aléatoire, où on va configurer certaines choses. Donc, par rapport à la narration, c'était plus utile d'éviter de vous faire exploser en vol dès le premier voyage. Hein. Mais ça peut arriver. Il peut y avoir des phénomènes astrophysiques malheureux. Voilà, comme un orage hyperspatial. C'est pas super cool. Donc là, l'idée, c'est tout simplement... Donc, moi, j'ai déjà choisi une catégorie pour vous. Donc, je vais te demander là de refaire un test de D6. Une fois qu'on a la catégorie... Et après, on va avoir le péril spécifique. Donc, vous, ça va être de toute façon. Vous avez le choix entre plusieurs choses. Donc, tu étais à la limite. Donc, ça va être une beauté de l'espace. Donc, 4. Donc, la beauté de l'espace, quand on tombe sur 4, c'est les horizons lointains. Alors, horizon lointain. Donc, une fois qu'on tombe sur un péril, donc ça s'appelle un péril, que ce soit malheureux ou bénéfique. Donc, il faut faire un test de senseur. Donc, comme vous êtes ensemble et que vous êtes parti, donc on va dire que c'est toujours vous qui êtes là, il me semble que la personne au senseur, c'était Belette, je crois. C'est possible. J'avoue que j'ai un peu... Je sais plus trop ce que je faisais, mais oui. En perception, senseur... J'ai que 3 en senseur. Pareil, j'ai 3 aussi. Perception, moi j'ai 2. Non, attends, c'est laquelle qui... Parce qu'il y a 2... Senseur. C'est la valeur de droite. Oui. Donc j'ai 5. Voilà, donc il y a 2 et 5. Voilà, donc là l'idée c'est quoi? C'est donc tu fais un test de senseur et les autres, si vous avez envie, vous pouvez faire un test de science stellaire si c'est pas bloqué, c'est-à-dire si vous avez au moins un point dedans. Donc si vous êtes à plus de... Attends, du coup j'essaie de me rappeler comment... Ah non, j'ai pas tu mis de... sur le nom pour envoyer le jeu. Voilà. J'ai science solaire, pas science stellaire. 3 succès. Bah, très bien, c'est les succès, c'est largement suffisant. Donc en fait, il y a 2 tests. Donc les senseurs, ça sert à détecter le péril suffisamment tôt pour pouvoir y réagir. Et à commencer à l'analyser un petit peu. Et donc science stellaire, donc c'est tout ce qui concerne la galaxie. Science solaire, c'est ce qui concerne l'humanité. Hein. C'est comme la sociologie, si on fait différemment. C'est de la science stellaire, c'est ce qui sert à reconnaître en fait les périls qui vous arrivent. Bon, quand on a de la connaissance latin. Donc que va-t-il se passer? Donc, tes senseurs, Belette, se révèlent des changements dans la signature énergétique du tunnel hyperspatial. Heureusement, après une rapide vérification, grâce à ton merveilleux test, le nouvel ordinateur ne signale strictement aucun changement dans ta trajectoire et aucun voyant d'alerte. Visiblement, encore un mystère de l'hyperespace. À travers la verrière du poste de pilotage et les hublots du vaisseau, vous remarquez tous des motifs colorés du tunnel hyperspatial, et ces motifs commencent à changer. Donc un tunnel hyperspatial, hop, ça ressemble globalement à un truc comme ça. Mmh. C'est joli. Sauf qu'on peut imaginer plein de couleurs, donc il y a vraiment toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Là, il y a des taches de couleurs et des rayons de lumière qui se mélangent, pour d'un seul coup se mettre à former des dessins plus complexes. Et quand vous les observez suffisamment longtemps, vous avez l'impression d'y reconnaître des paysages que vous avez déjà visités, ou peut-être le décor de planètes que vous ne connaissez pas encore. Donc c'est juste magnifique. L'idée, c'est de profiter du voyage. Donc c'est une beauté de l'espace qui est une source de légende. Donc ça s'appelle les horizons lointains. Vous la connaissez, celle-là, vous l'avez déjà très certainement vécue ou entendu parler en tant que pirate. Puisque c'est, on dit souvent que quand on voit ça, c'est une vision du futur vers un destin merveilleux qui nous amène vers un trésor, ou en tout cas vers le fait que vous allez vivre longtemps et heureux. Donc les gens apprécient particulièrement ce genre d'histoire pour faire tout un tas de légendes. Il y a même des gens qui disent qu'ils ont vu des événements se produire, exactement les mêmes événements se produire que ceux qu'ils avaient vus lors de cette vision. Et ben ça, c'est pas un signe qu'on va s'en mettre plein les fouilles. Ça y ressemble, hein. Eh oui, un bon présage. Exactement. Donc après, vous allez passer 6 jours de voyage plutôt calme. Donc le reste du voyage va se faire sans encombre. Et vous allez arriver au niveau du système d'Ilios après 6 jours. Donc normalement, on va faire cet effet en fait de péril. On va le faire à chaque jour. Donc c'est pour ça qu'on dit que les voyages sont très très dangereux. Parce qu'on peut très vite se faire défoncer si on tombe sur des périls, des choses plutôt malheureuses. Il faut décompter les rations, il faut décompter les réserves de Radix. Donc tout ça, on va se l'épargner pour cette session de découverte. Donc c'est pour ça qu'il y a toujours quelques calculs de l'anticipation. Et les pièces détachées. Donc si vous posez la question à quoi ça sert, c'est pour faire des réparations notamment. Au cas où vous ayez un péril, vous traversez une pluie de météorites ou ce genre de choses voilà, qui abîme votre coque. Donc, après 6 jours, donc vous êtes reposé, vous avez passé un voyage plutôt agréable. Comme vous avez croisé donc, les horizons lointains à l'aller, ça veut probablement... Alors, il y a de fortes probabilités pour que sur votre chemin retour, si vous prenez le même cap, c'est généralement ce qui se fait, vous puissiez retrouver encore une fois ce même péril. Il y a une espèce de variation, de variable, on va dire, dans l'espace-temps. C'est de la relativité où quand on croise un péril à l'aller, si on revient dessus assez rapidement, souvent il n'a pas eu le temps de se déplacer. Donc après 6 jours, vous sortez de l'hyperespace, un peu engourdi par votre voyage, très certainement excité par le fait d'arriver, et vous tombez face à un soleil à la lumière orangée qui trône donc au cœur de ce système. À proximité orbite une petite planète luxuriante, suivie d'un monde massif aux teintes sableuses et orangées. Bien plus loin, la troisième planète, elle semble recouverte de forêts cramoisies. Et la quatrième, c'est une énorme géante gazeuse aux arabesques irisées. Enfin, aux confins du système évolue un petit monde recouvert de déserts minéraux. Sans perdre de temps, vous sondez le système pour identifier les différents astres et reconnaître le monde de sable comme étant Dilia H1. Le navigateur caressait les commandes. Et après seulement quelques heures, vous faites face à une planète colossale, aux mers d'un bleu profond et aux étendues rocheuses chaudes et orangées. Vous y apercevez de rares étendues urbaines avec vos senseurs qui sont devinables autour des mers, ainsi que sur le premier des deux petits satellites naturels de la planète. Vous détectez aussi quelques vaisseaux archaïques qui font le lien entre donc, les deux satellites et la surface de la planète, ce qui contraste sacrément avec la présence d'une quinzaine de vaisseaux hérissés de pointes, ne laissant aucun doute sur leurs origines pillardes. Hop. Pas cool. Et normalement, je vous ai affiché juste en dessous donc, du système Exalia. Sur la droite de l'écran, vous avez un autre système qui est apparu. Et donc, oui. C'est le système d'Ilios, le système où vous êtes. Et du coup, elle est où? Oui. C'est laquelle? C'est la... celle du dessous. Il n'y a rien indiqué. Ouais, le monde de sable. On doit être sur exactement. Cette zone-là, nous, je pense. Ouais. C'est laquelle, Dalia 01? Celle-ci? Ouais. C'est ce monde de sable. Elle est grande, il y a des mers. Voilà. C'est... Tout à fait. D'accord. Ok, ça marche. C'est noté. C'est noté, les putains de pillards. Messieurs, vous venez d'arriver en fait. Donc vous êtes sorti du tunnel hyperspatial. Vous. Mm-hmm. Donc vous n'êtes pas situé directement aux abords de la planète, puisqu'en fait vous êtes arrivé. Donc généralement, ce qu'on fait, on va sonder le système, ce que vous avez fait automatiquement en fait, pour justement avoir une idée de la cartographie du système. Et donc vous voyez une espèce de ligne bleue, un cercle bleu qui est sur le plus extérieur du système. Donc vous êtes juste après ce cercle-là. Vous venez d'arriver donc en mode interplanétaire, ce qui va vous falloir encore un petit peu de temps afin de rejoindre Tilia H1. Donc vous avez passé quelques heures pour vous rapprocher, et c'est là que vous avez vu donc tous les vaisseaux pillards. Ils ont l'air actifs ou ils ont l'air de glander? Ils sont postés principalement autour des satellites, et il y en a deux juste qui sont autour de la planète d'Ilia H1. Pour l'instant, personne ne semble vous avoir repéré, Mais c'est sûr que si vous restez les mains dans les poches et la bouche en fleurs, il va se passer un truc. Hein. Non, bah on va essayer de les éviter. Hein, Ouais. Évitons les combats inutiles. Hein. Bah, surtout quand ils sont plus loin que nous. Bah aussi. Aussi. Ouais. Alors comment comptez-vous faire pour les éviter? Bah, en prenant une trajectoire assez éloignée, même si ça nous prend peut-être un peu plus de temps. Okay. Je sais pas combien ça nous pourrait nous prendre. Hein. Parce que au niveau de cette planète, eux, ils sont situés à peu près tous au même endroit. Enfin, en gros, ils sont quand même vachement regroupés, où on les voit qu'ils sont quand même assez éloignés les uns des autres. Ils sont plutôt regroupés. Ouais, donc à la limite, il faut peut-être faire un détour. Un petit courbe, détour. Ouais, pour okay. Essayer non. De ne pas se faire griller. Alors, pour ne pas se faire griller, il y a deux éléments à prendre en compte. Mmh. C'est comment est-ce que vous pouvez vous faire voir. On peut se faire voir par les senseurs. Voilà, on met de l'écho et donc là, on peut vous repérer. Mmh. Et la deuxième façon de se faire voir, c'est, eh ben, comme on dit, naviguer à vue. C'est-à-dire, si quelqu'un regarde par son cockpit ou un hublot, est-ce qu'il peut vous voir. Donc, comment est-ce que vous faites pour vous protéger d'une certaine manière des détections, radars, des senseurs? Et comment vous faites pour vous protéger de la vue? Alors, j'imagine que pour être à vue, si on passe en dessous, techniquement, est-ce que... parce que comment c'est fichu leur vaisseau? Est-ce que ils voient juste par un hublot? Ou tu peux être vu par... une vision holographique ou je sais pas quoi, ça se passe comment en fait au niveau de la technologie? Oui, c'est uniquement les senseurs qui vont pouvoir vous percevoir comme une information énergétique, ouais. Comme sur les éco-radars. Et après, il faut analyser les données pour avoir une idée de ce que c'est, mais on a une idée de la masse, du volume, un petit peu de la vitesse, ce genre de choses, et là il faut faire la déduction. Uh-huh. Ou bien on regarde par la fenêtre, donc c'est comme quand un avion de chasse ou un avion de ligne regarde par le hublot. Donc ça dépend des modèles, mais imaginons, si tu veux sur le modèle des Raiders, que je te réaffiche, il n'y a pas des hublots partout. Mais la problématique, c'est qu'ils ne sont pas tous alignés de la même manière, puisque c'est vraiment de la 4D en termes de volume. Donc, ouais. On peut imaginer que voilà, tu peux pas juste, pour le coup, dire « je mets en dessous ». En dessous, Bah, pour la signature énergétique, est-ce qu'on pourrait pas utiliser justement... une catapulte gravitationnelle, en fait, du coup on n'utiliserait pas les moteurs. Ça se tente, c'est une possibilité d'essayer de réduire au maximum, de définir une trajectoire, avancer et de réduire au maximum pour être comme un débris, être considéré ouais, comme voilà. Un débris. Uh-huh. Je pense déjà ce que j'allais dire, c'est de lancer le vaisseau. En plus, je vois qu'il y a une... joue sur l'inertie, simplement. Je vois qu'il y a une grosse planète, donc ça doit pouvoir... doit pouvoir se permettre, justement, de faire une catapulte gravitationnelle. Hein, En termes de timing, ça passerait... On a plus beaucoup de temps. Enfin, on a encore 24 heures, à peu près, je crois. À peu près, vous avez 24 heures pour vous positionner... à l'arrivée, on va dire, des receleurs qui étaient attendus. Si vous décidez de choisir ce scénario-là pour aller récupérer le butin. Pensez que vous avez avec vous aussi, je vous le rappelle, le transpondeur radio dont Mortimer Max vous avait parlé, qu'il avait récupéré aussi dans les débris du receleur. Donc c'était un transpondeur radio. Donc pour rappel, lui, il avait identifié qu'il fallait le brancher dans ses senseurs. Et que justement, ça pouvait très certainement faire office de carte, donc comme un espèce de point relais. En fait, tu le branches et ça t'indique une zone où te rendre, certainement comme un point GPS. Quoi. Sauf qu'il faut être avancé pour ça. Ça, on peut le faire sur le trajet final, non? Le brancher. Oui, mais enfin, ça peut peut-être nous indiquer. On peut le faire déjà. Ouais, on peut le faire déjà, ça. Oui, parce que ça va nous donner exactement. Où, effectivement, plus ou moins sous les vaisseaux pillards. Enfin, c'est peut-être pas la même trajectoire, en gros. Ouais, donc on va brancher le transpondeur, déjà dans un premier temps. Allez, vous faites ça. Moi, je vais juste faire un test de pilotage pour le facteur d'inertie. Oh, ça va, il est pas mauvais. Ouais, ça va, il se démerde bien, le Zoltan. Il me semble que vous avez tous accès à cette fiche, d'ailleurs, si vous voulez. Ouais, bon, je suis pas certain. On voit les succès, ça nous suffit. Non, on n'a pas la fiche, mais voilà. Moi, tu veux que nous, on fasse léger pour lui. Bon, c'est pas, ça change pas grand-chose. Hein. C'est pas nécessaire, hein. Voilà. Du moment qu'il y a des succès, ça suffit pour nous. Voilà, si tu fais des échecs, par contre, là... Ça va pas aller, c'est ta faute. Allez, super. Bon, bah écoutez... Donc pour ça, et puis après bah pour la vue, j'avoue que ça va être peut-être un petit coup de bol. Enfin, je sais pas, parce que après, si les hublots peuvent être n'importe comment... Est-ce qu'il y aurait pas, par chance, je sais pas, moi, un débris, quelque chose comme un espèce d'astéroïde, quelque chose qui passerait dans le coin où on pourrait... un peu s'en servir pour se cacher pour à se la planquer. Vue. Alors la chose la plus évidente, peut-être, en tout cas le plus gros truc que tu vois, c'est le soleil. C'est le soleil du système. Ah ouais. Oui, c'est sûr que si on est derrière le soleil, on va pas nous voir, mais on va être loin de la planète. Parce que nous on arrive d'où en fait, quand on arrive de là par rapport aux planètes. On était à l'extérieur, il nous a dit. En gros, oh là, c'était un peu gros. Peut-être qu'il part par là, peut-être on n'arrive pas là en gros, quoi. On arrive. Ouais, voilà. Alors, comme ça. Oui, mais en fait, peu importe. À la louche, quoi. Comme les planètes sont en orbite. Elles ne sont pas dans cette disposition-là quand vous arrivez. Elles sont toutes sur leur axe à des points différents. Sur leur axe avec leur vitesse spécifique, etc. Ouais. Vous, ce qu'il y a à retenir, c'est que la planète que vous visez, c'est la deuxième. Donc la deuxième, la plus proche du Soleil. C'est ça qui est le plus important à retenir. Et donc les vaisseaux sont entre nous et la planète. C'est ça. Oui, c'est ça. Alors, si ils sont en orbite, je pense, autour de la planète. Voilà, vous avez pris une courbe plus grande, vous avez fait un détour. Mm-hmm. C'est ce que vous m'avez dit. Oui. Donc le détour peut vous permettre d'arriver par n'importe quel point. En sachant que ce qui ne bougera jamais, c'est que ce qui sera toujours au centre du système, c'est le Soleil. Ils sont en orbite géostationnaire ou... Autour des stations. Il y a deux petits satellites. Et ils sont autour des satellites. Et après, il y a une patrouille qui tourne autour de la planète, mais c'est pas quelque chose qui est fou. Quoi. Ouais, du coup, si on arrive entre le Soleil et la planète, ça pourrait, au niveau de aveuglé, en gros, être invisible, parce que tu peux pas fixer le Soleil à l'œil nu comme ça, tranquillo. Exactement. Ouais, donc en gros, on ferait comme ça. On arriverait comme ça, voilà, pour que on arrive un peu dans l'illumination. Avec le soleil dans le dos. Ouais, voilà, avec le soleil dans le dos, et du coup, tu peux pas fixer le soleil. On est à contre-jour. C'est ça. Exact. C'est ça. Ah ben. Très bien. Bah écoute, je vais te laisser faire un test de senseur belette pour à la fois améliorer la trajectoire de votre point un peu d'inertie et de favoriser tout ça. Voilà, c'est moins bien. Mais... Donc plus 2. Donc les succès s'additionnent en fonction en fait de toutes vos stratégies. Ouais. Donc comment ça se passe? Il y a souvent en fait des tests. Il y a une sécurité initiale à la planète par rapport à la protection qu'il va y avoir, au climat, etc. Donc il y a un score global de sécurité, ou en tout cas voilà de vigilance de manière. Et donc vous avez tout un tas de stratégies, de protocoles à opérer. Donc tous vos protocoles vous donnent droit à un nombre de GD par rapport à ce que vous voulez faire, tout ce que vous voulez me dire. Là, il va y avoir un deuxième test de senseur pour l'arrivée discrète. Donc ça, c'était uniquement pour le positionnement. C'est mieux. Voilà, donc ça fait 2, ça fait 5, 6, 7, 8, 9. Ça, au total, donc vous avez 9 succès. Donc moi, par rapport à ce score global, en fait, je recompare par rapport à la sécurité de la planète et ça me permet de savoir si toutes vos manœuvres vous permettent d'arriver de manière fine ou bien si en fait vous n'avez pas un score global qui est assez haut, auquel cas vous êtes repéré. D'accord, pour faire force de trompette. Voilà. En l'occurrence, en ce qui vous concerne, eh bien, vous arrivez en toute discrétion et donc en avançant, vous n'avez strictement aucun comité d'accueil. Avec les différentes phases d'analyse et donc de préparation, vous avez pu apprendre quelques informations supplémentaires sur Dilia H1, notamment avec quelques coups de scan. Donc ce que vous avez vu, c'est qu'il y a visiblement une petite lune à l'atmosphère respirable, ça fait partie des deux satellites, et sur cette petite lune, il y a apparemment plusieurs centres urbains, et il y a une demi-douzaine de vaisseaux qui sont stationnés tout proche de cette petite lune. Le deuxième satellite, c'est un petit satellite rocheux qui est complètement inhabité, et il n'y a strictement aucun vaisseau à proximité. Voilà. Mmh. En plus de ça, donc vous avez branché le transpondeur radio, et le transpondeur radio vous a fait apparaître sur l'ascenseur un espèce de bip régulier. Le petit bip bip qui fait comme un espèce de point GPS, encore une fois un point de repère, qui vous amène tout droit, visiblement qui vous guide tout droit proche d'une cité dans le désert, en bord d'une mer d'un bleu azur. Donc vous êtes rentré dans l'atmosphère. En survolant les mers, vous avez pu observer d'étranges regroupements de cimetières métalliques proches des côtes. Bon nombre semblent réellement abandonnés. Et lorsque vous arrivez proche de la zone du bip, vous observez quelques criques offrant très certainement une cache parfaite pour votre vaisseau. Les débris métalliques qu'on a croisés, ça ne pensait pas rentrer des vaisseaux d'un autre calibre ou des choses plutôt barbares, enfin, autochtones. Il faudrait que tu te rendes sur place avec en fait la météo et la topographie. C'est une planète de sable, donc de désert de sable, de dunes en fait. Il y a une grande partie des débris qui étaient recouverts plus ou moins de sable. Donc il y a très certainement des vaisseaux, des constructions. Maintenant, précisément, si c'est des vaisseaux archaïques ou des vaisseaux récents, impossible de le dire sans aller voir directement sur place. Oui, ok. Ouais. Voilà. Donc là, vous êtes proche de la zone de bip et il faut savoir où est-ce que vous vous posez. Il y a un port sommaire, archaïque, donc où vous pouvez aller directement au port, donc arriver en grande pompe, ou choisir une crique ou un autre endroit. Est-ce que ce serait pas plus mal de se cacher ? Alors moi, j'ai deux questions. Déjà, le temps, avant que les pillards là n'arrivent, combien on est de temps à peu près ? Ils vous ont pas repéré. Donc tant que personne ne vous a repéré... Les receleurs. Par rapport à là où vous en êtes, vous avez à peu près au moins 15 heures, une bonne quinzaine d'heures. D'accord, ok. Ouais, donc non, on a encore un peu le temps. Parce que le plan... Donc c'était soit on attendait le reseller en fait et puis on lui piquait le truc, soit on allait le chercher, ça je sais plus. C'est vous le reseller. Ouais, d'accord. Il faut qu'on récupère la cargaison, qu'on retrouve les marchands, qu'on leur refourgue. Ensuite on va partager le butin avec Mortimer Mouse. C'est ça ? D'accord. Exact. Vous vous faites passer pour le reseller. Vous avez un point de rendez-vous. Et c'est à peu près tout ce que vous savez. Donc l'idée, c'est d'aller récupérer la cargaison qui est censée être une cargaison d'artefacts aliens. Vous débrouillez comme vous voulez pour la récupérer, la négocier, la batailler, etc. Et en tout cas, vous barrez avec. Ok. Ok, donc je pense qu'on va se mettre dans une crique. Caché, ouais. Trop se faire repérer. Oui, c'est mieux. On va essayer de la faire en finesse. Juste, hop, Dilia H1, ça ressemble à ça. Là, vous êtes de loin. Une bonne planète désertique. Ok, ouais, donc... ouais, vas-y. Avec ses mers. Donc, vous vous installez dans une crique ? Ouais. Non, je vais faire discret pour l'instant. Hein. Oui. Vous n'avez que l'embarras du choix. Donc vous vous posez tranquillement. La crique la plus proche, tant qu'à faire. Oui. Pour ça, on a moins à aller. Elle est située à entre 5 et 10 minutes, grand maximum, de marche de la ville portuaire. C'est cool, on n'a pas de speeder. Il y a des espèces, il y a des motojets qui existent. Ouais, mais on en a pas. Non. Il va falloir marcher. Ah, on marchera, hein. À l'ancienne. Oui, très bien. Vous êtes... Ça fait du bien, ça maintient l'équipage en forme de marcher. Ouais, on va dire ça. Vous vous rendez avec qui en... Avec qui est-ce que vous quittez la crique? Est-ce... Alors, l'équipage, non. Est-ce... Parce qu'il y a forcément au moins une partie qui reste pour entretenir. Est-ce qu'on dirait pas à Zoltan de rester et qui, si jamais il y avait un souci, pouvait venir nous récupérer? Regarde, on y va que tous les trois, hein. Comme ça évite qu'on ait un PNJ avec nous, hein. Bah c'est... ouais, on dirait à Zoltan de rester, puis si on a un souci... Zoltan, il est beaucoup pour piloter le vaisseau, on s'en fout. C'est pas ça, Oui, on y va tous les trois, comme ça, on n'a pas de PNJ avec nous. Ça évite devoir gérer un personnage en rap. Voilà. Allez, très bien. Eh ben écoutez, vous quittez la sécurité de la crique pour gagner la plage. Après, quelques centaines de mètres de marche, vous pouvez déjà voir des filets de pêche qui sont installés. Quelques barques sur l'eau accueillent des pêcheurs patients. Juste à côté commence la ville et ses constructions. Donc, la ville ne doit pas compter bien plus de 3000 habitants à vue de nez. Elle est composée de bâtiments en forme de champignons métalliques variés, faits de briques et de brocs récupérés. Hop, à peu près un truc comme ça. Il existe aussi quelques bâtiments de terre, ainsi que de grandes tentes, avec un esprit plutôt nomade. Quelques parcs contiennent d'étranges créatures à la peau écailleuse, aux poils drus, possédant 6 yeux et de belles défenses, ainsi que 4 sabots. Les habitants sont couverts de la tête aux pieds par de grands vêtements amples, ne laissant voir que leurs yeux, parfois leur visage totalement humain, et pour la plupart à la teinte brune ou noire. Donc plutôt des habitants du désert comme des bédouins. Okay. Ouais, j'imagine qu'on a fait pareil, hein. On a pris des manteaux ou autre. Hein. Je pense qu'on doit avoir ça quand même pour se protéger du soleil. Quelque chose qui couvre un peu. Ouais, ou des tempêtes de sable, quoi. Pour un peu couvrir nos visages. Ouais, voilà. Ouais, des grands vêtements. Vous avez des vêtements plutôt amples. Bon, ça dénote quand même avec le look global de... Oui, on ne fait pas bédouin, quoi. Oui, mais on est... Vous êtes plutôt raccord. Voilà. La population ne dispose que d'outils simples et vous ne voyez strictement aucune arme. Pourtant, vous commenciez à vous diriger entre les bâtiments pour vous repérer, visiter un petit peu, peut-être prendre vos marques afin d'anticiper les prochaines rencontres. Alors juste que vous avez fait quelques pas, vous commencez à vous balader un petit peu, vous entendez la détonation caractéristique d'un fusil laser qui vous stoppe net, tout comme les hurlements qui s'en suivent. Bah on va regarder d'où ça venait, Bah, c'est à quelques dizaines de mètres derrière les bâtiments, il va falloir avancer un petit peu. Ça a tiré en fin de compte comme pour nous dire de nous arrêter devant nous ou c'est un mec qui nous a loupé? Ça tirait, je crois, derrière, mais je crois que ça nous visait pas particulièrement. Ça nous visait pas, en fait, mais on a entendu quelque chose, quoi. Exactement. Bah, je vois, on va peut-être se diriger par là-bas, hein. Ouais. Ils ont pas, petite question, les bédons, ils ont pas l'air d'avoir, eux, d'armes laser ou quoi que ce soit. Ils ont rien du tout. Comme j'ai dit, ils ont strictement aucune arme, quoi. Ils ont des outils, en fait. Donc, c'est pas un local, quoi. Ouais. Déjà. C'est ça, probablement un pillard. Il y a peu de chances que ce soit un local, ouais. Bah, j'en ai un. Sur un pistolet et l'autre main sur. Une petite grenade que j'ai à la ceinture. Ah ouais, moi c'est pareil, j'ai la main sur mon fusil. Bah écoutez, à quelques dizaines de mètres, donc vous avancez et vous déboulez sur une sorte de place. Vous voyez un groupe de 3 pillards qui viennent d'abattre un homme. Visiblement, alors que sur les 3 pillards, il y en a un qui tire par le bras un autochtone qui doit pas avoir plus de 10 ans. Vous avez le reste des habitants qui se lamentent, puisqu'ils dispensent d'aucun moyen de se défendre. Vous avez 5 enfants terrorisés qui sont totalement prostrés, proches d'une espèce d'estrade, sur laquelle se trouvent les pillards, les 2 autres pillards. Pour l'instant, ils ne vous ont pas encore vu, puisqu'ils sont en train d'hurler et d'invectiver la population. J'ai plus envie de tirer, moi. Encore et hop et virer, encore et hop et virer, encore et hop et virer, vire encore matelot. Encore et hop et virer, encore et hop et virer, encore et hop et virer, vire encore matelot. Hardy les gars, l'ancré dans les fonds, hardy les gars, maillon par maillon, hardy les gars, nous l'arracherons, les gars, si nous virons. Encore et hop et virer, encore et hop et virer, encore et hop et virer, vire encore matelot. C'est pas le moment, les gars, d'être sous, c'est pas le moment de plier les genoux, c'est pas le moment d'avoir les bras mous, les gars, faut virer tous. Encore et hop et virer, encore et hop et virer, encore et hop et virer.